semi-problème dans mon verre de bière, s'il vous plaît, merci. La première pour la soif, mais j'ai un demi-problème dans mon deuxième verre de bière, s'il vous plaît, merci. Troisième pour la poussière, mais j'ai encore ce demi-problème dans mon quatrième verre de bière, s'il vous plaît, merci. La cinquième, c'est panurge dans ma tête, et j'ai toujours ce demi-problème dans mon sixième verre de bière. Septième, je le savais, me file le tournis, et encore et toujours, ce putain de demi-problème dans mon huitième verre de bière, s'il vous plaît, merci. À la neuvième, ce demi-problème reste bien enfoui, mais grâce à la dixième, ce demi-problème. À la neuvième, ce demi-problème reste bien enfoui, et grâce à la dixième, ce demi-problème, je l'ai vomi.